Au réveil, le professeur tente de calmer ses deux compagnons, qui ont bien conscience d'être désormais des prisonniers, tenaillés en outre par la faim. En ce moment, un bruit se fit entendre extérieurement. Des pas résonnèrent sur la dalle de métal. Les serrures furent fouillées, la porte s'ouvrit, le steward parut. Avant que j'eusse fait un mouvement pour l'en empêcher, le Canadien s'était précipité sur ce malheureux. Il avait renversé. Il le tenait à la gorge. Le steward étouffait sous sa main puissante. Conseil cherchait déjà à retirer des mains du harponneur. Sa victime a demi-suffoqué et j'allais joindre mes efforts aux siens quand subitement je fus cloué à ma place par ces mots prononcés en français. « Calmez-vous, maître Land. Et vous, monsieur le professeur, veuillez m'écouter. » C'était le commandant du bord qui parlait ainsi. « Messieurs, dit-il d'une voix calme et pénétrante, je parle également le français, l'anglais, l'allemand et le latin. J'aurais donc pu vous répondre dès notre première entrevue. Mais je voulais vous connaître d'abord, réfléchir ensuite. Votre quadruplégique, absolument semblable au fond, m'a affirmé l'identité de vos personnes. Vous avez trouvé sans doute, monsieur, que j'ai longuement tardé à vous rendre cette seconde visite. C'est que, votre identité reconnue, je voulais peser mûrement le parti à prendre envers vous. J'ai beaucoup hésité. Les plus fâcheuses circonstances vous ont mis en présence d'un homme qui a rompu avec l'humanité. Vous êtes venu troubler mon existence. Involontairement, dis-je. Involontairement, répondit l'inconnu. Monsieur, dis-je, vous ignorez sans doute les discussions qui ont eu lieu à votre sujet en Amérique et en Europe. Mais sachez qu'en vous poursuivant jusque sur les hautes mers du Pacifique, l'Abraham Lincoln croyait chasser quelques puissants monstres marins dont il fallait à tout prix délivrer l'océan.